Vendetta par Louis Bousnard. Le récit suivant est authentique comme un compte-rendu de tribunaux. Le docteur C habitait avec sa jeune femme la ville de P. Il était âgé d'environ 40 ans. Sa stature herculéenne, ses mains épaisses et velues, aux doigts courts et carrés, sa tournure commune, lui donnaient une apparence vulgaire, brutale même. Deux admirables yeux bleus aux longs cils soyeux, aux sourcils fins et déliés, qu'une femme eût enviés, illuminaient sa tête d'un remarquable reflet d'intelligence. La nature emploie souvent de ces correctifs. Le docteur était tout contraste. Quelques années avant notre récit, il avait sauvé d'une terrible maladie de langueur une ravissante jeune fille. Nouveau Pygmalion, il s'est pris follement de son œuvre. Elle était orpheline et pauvre. Il l'épousa. Sa fortune lui permettait d'accorder à son amour cette légitime satisfaction. Depuis qu'il s'était mis au doigt cette perle, il n'aimait plus, il l'adorait. La jeune femme vivait comme dans un palais capitonné d'amour et de petits soins. Elle paraissait éprouver pour son sauveur un sincère attachement. Il arriva, ce qui arrive trop souvent en pareille occurrence, la reconnaissance et l'attachement, quelque sorte filial qu'elle témoignait à son bienfaiteur, ne lui suffirent bientôt plus. Elle oublia qu'elle lui devait tout, elle était désœuvrée, elle le trompa. Il surprit un jour, entre elle et un jeune homme, que des raisons de santé avaient forcé d'abandonner Paris, un regard qui lui fit au cœur l'effet d'un fer rouge. Il eut la force de dissimuler et se constitua l'espion de celle qu'il considérait comme infidèle. Les devoirs de sa profession l'éloignaient à toute heure, les coupables pouvaient se voir souvent, leur imprudence les perdit. La lumière se fit fulgurante, implacable. Cet amant formidable, doublé d'un mari, cet homme, jusqu'alors bon et confiant comme les êtres forts, pleura comme un enfant. Malheur à qui fait verser des larmes à de tels yeux. Son rival, oui, son rival était un de ces jeunes éventés taillés sur le patron de ses congénères. Vous voyez cela d'ici. Prématurément détérioré, cassé, comme le col environnant sa figure belle encore, mais déjà blafarde et vieillotte à 20 ans. On eût dit en le voyant un bouquet de roses étiolées dans une feuille de papier blanc. Malgré son mépris pour ce produit affaissé du noctambulisme et des soupers fins, dont les poumons ne pouvaient plus digérer l'air de Paris, l'homme offensé résolut de se venger. Le taureau écrase, quand il le peut, le temps qui le pique, et le molosse broie parfois d'un coup de dent le roquet aboyeur. Le docteur vit rouge, un soir qu'il sortit sous un prétexte futile qui devait tenir éloigné la nuit entière. Il rentra 2 heures après son départ. Ils étaient là, tous deux, enlacés, amoureux comme deux fous, inconscients comme deux enfants. La porte éclata, effondrée par un effroyable choc, il entra comme un ouragan. Profitant de leur stupeur, il les garrotta et les bâillonna en un tour de main. Quand il fut sûr de bien les tenir, un soupir, moitié rugissement, moitié sanglot, souleva sa large poitrine. Après quelques minutes de méditation, il les emporta tous deux dans son cabinet, déposa sur un fauteuil sa femme à moitié morte de terreur, et dont la respiration sifflante s'échappait avec peine de dessous le bâillon. Puis il étendit l'autre sur une table recouverte d'une toile cirée. Une dose de chloroforme, savamment mesurée par l'habile praticien, endormit le jeune homme, qui devint bientôt insensible comme un cadavre. Il ouvrit son bureau et en tira une boîte d'ébène sur laquelle tranchait crûment une plaque d'argent gravée à son chiffre. Des couteaux et une scie étincelaient sur du velours rouge comme de l'acier endormi sur du sang. Une des cuisses fluettes du malheureux fut entourée d'une corde qu'il tordit à l'aide d'un morceau de bois au point qu'elle entrait dans les chairs qu'elle bleuissait. Cela s'appelle, je crois, un garrot en termes de chirurgie et sert à comprimer les artères. Ses préparatifs terminés, il saisit d'une main assurée un couteau qu'il enfonça d'un seul coup près de l'os jusqu'au manche. Il trancha en biais le faisceau de muscles composant la moitié de la cuisse et répéta la même manœuvre de l'autre côté. L'os maintenait seul cette jambe mutilée. Deux lambeaux rouges transfusaient le sang qui ruisselait sur la toile et inondait le parquet. La scie grinça quelques secondes et le membre tomba avec un bruit mat. Un jet de sang jaillit sur la figure de la femme qui s'évanouit. Implacable dans sa vengeance et calme comme un professeur de clinique, le docteur ne paraissait préoccupé que du soin de garantir ses manchettes blanches. Un chirurgien a souvent de ses coquetteries. Un mince cordonnet de soie rouge servit à lier les artères qui cessèrent de couler. Le garrot se détendit, Le bourreau, le justicier, allais-je dire, entoura de bandelettes et de compresses le moignon sanglant. Il porta ensuite, avec d'infinies précautions, l'infortuné sur un lit dressé dans une chambre d'amis. Le lendemain, un entrefilet rédigé de la façon suivante parut dans le journal de la localité. Un affreux malheur qui plonge dans l'affliction une de nos plus honorables familles vient de frapper le jeune M. B. Son cheval s'est emporté la nuit dernière au retour d'une partie de chasse sans qu'il pût le maîtriser. M. B. voulut sauter de voiture, mais il le fit si malheureusement que sa jambe prise entre les rayons de la roue fut fracassée et presque séparée de la cuisse. Le docteur C., devant la demeure duquel l'accident est arrivé, y transporta le blessé et pratiqua d'urgence l'amputation qui, bien que très périlleuse, laisse espérer quelque chance de salut pour l'intéressante victime. Le docteur pansa chaque jour son opéré qui ne quitta sa maison qu'après guérison complète. « Ce bon docteur, » disaient les habitants de la ville de P. « Quelle science, quelle bonté, quel désintéressement !» La jambe amputée, qui était restée dans le cabinet, subit une préparation anatomique. Ses tendons nacrés et ses faisceaux musculaires rosés, habilement disséqués, feraient honneur au musée Orfila. Elle est plantée en évidence sur un meuble et fait sur les tentures vert sombre l'effet d'un grand point d'exclamation sanglant. M. B. marche à l'aide d'une jambe de bois. Quand il passe sous les fenêtres du docteur, le bruit sourd de cette jambe sur le pavé résonne dans le cœur de la femme infidèle, comme le couperet de la guillotine sur le col d'un supplicié. Il porte depuis peu à sa boutonnière une décoration étrangère, simulant l'ordre de la Légion d'honneur. Il peut ainsi passer, à la rigueur, pour un héroïque et malheureux débris de la dernière guerre. Ainsi s'achève Vendetta, par Louis Bousnard.